chouette, un copain smartphone. Toi aussi, t'as remplacé? Ouais, il me trouvait trop lent. Emoji escargot. Lol. Mais on va rester longtemps au fond de ce tiroir? Ouais, je sais pas, moi ça fait des années. Je suis vieux, tu sais, j'ai même pas la 3G. Emoji grand-père, essaye de sonner, ça les fera peut-être venir. Ne gardez pas les mobiles et smartphones que vous n'utilisez plus. Faites un geste solidaire et environnemental en les donnant sur jedonnemontéléphone.fr. Service opéré par Écosystème, entreprise à but non lucratif. Écosystème, recycler, c'est protéger. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Écrire le braille pour s'émanciper du bout des doigts, aller un peu de géographie humaine, de l'anatomie. Au bout du bras se trouve la main, constituée d'une paume, et dans la plupart des cas de 5 doigts, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Eux-mêmes se divisent en phalanges, dans la plupart des cas, il y en a 3. Phalange proximale, la moyenne, la digitale, et tout au bout, celle où se trouve d'un côté l'ongle et de l'autre, il y a la pulpe. Cette partie charnue, sur la face interne de la dernière phalange, et bien grâce à cette pulpe, nous voilà équipés pour lire grâce à l'écriture de Louis Braille. Paris a solennellement conduit au Panthéon les cendres de Louis Braille. Aveugle de naissance, il inventa au siècle dernier l'alphabet et la méthode d'impression qui permet la lecture aux aveugles. Les descendants de ce grand bienfaiteur de l'humanité et une foule d'aveugles ont suivi les restes de Louis Braille. Étrange et dramatique cortège où chacun peut lire le plus émouvant témoignage de reconnaissance. Sous les voûtes du Panthéon où le président de la République était venu s'associer à cet hommage solennel, ce n'est pas seulement la patrie reconnaissante qui accueillait Louis Braille, mais l'humanité reconnaissante. Nous étions en 1952 dans le journal des actualités françaises. Le président de la République d'alors était Vincent Auriol et Louis Braille entrait au Panthéon. Bonjour Faïda Saïdi Hamid. Bonjour Xavier Mauduit. Vous êtes directrice conservatrice du musée Louis Braille. 1952, Louis Braille entre au Panthéon. Aujourd'hui encore, Louis Braille reste une grande figure reconnue en France, bien sûr, dans le monde entier. Oui, oui, aujourd'hui encore, Louis Braille est effectivement une figure reconnue, un des plus grands inventeurs, hein, parce que je pense vraiment que dans l'histoire de l'humanité, l'écriture est un fondement. Et grâce à Louis Braille, eh bien, les portes, enfin, de la connaissance et du savoir se sont ouvertes très très tard, hein, beaucoup plus tard que pour nous les voyants, 1825. Donc voilà, déjà, l'inégalité, elle est criante dès le début de cette question de l'accès à l'écrit. Pour tous nos concitoyens aveugles. L'accès à l'écrit, c'est vraiment ça hein, la question. Parce que sinon, se faire lire un livre, ce qui était une possibilité pendant longtemps, ça a été le cas. La réflexion de chercher à comment lire de l'écrit quand on ne voit pas, c'est Louis Braille, bien sûr, qui demeure la figure majeure, mais il s'inscrit dans un long processus. Bonjour Noël Roy. Bonjour, vous aviez vendu. Alors, ce formidable Louis Braille, on peut le dire, devenu une figure, et on sait combien ces figures importantes de notre histoire sont souvent des constructions aussi, est héritier d'un long mouvement qui commence quand à peu près? On peut dire que déjà au 18e, il y a cette recherche de pouvoir lire ce qui est écrit. Voilà, oui, au XVIIIe siècle, on va avoir un souci pour l'éducation en général, et puis on va avoir aussi un souci pour les plus malheureux, on va dire. C'est un siècle où on exprime ses sentiments, c'est l'histoire des larmes, enfin, on pleure en public, les hommes pleurent, et donc on va avoir également donc tous ces idéologues qui vont vouloir, qui travaillent sur les écritures. Effectivement, le braille ne vient pas de nulle part et il faut lui rendre sa profondeur historique, ne pas juste considérer Louis Braille comme un héros, qu'il est un héros effectivement, mais il va bénéficier d'une longue tradition. Alors, il y avait de tout temps, il y a eu dans les familles qui avaient les moyens d'offrir un précepteur à leurs enfants aveugles, il y avait des gens qui déjà utilisaient toutes les ressources du toucher avec des méthodes palliatives, mais c'était réservé à quelques-uns. Et le mérite de Valentin Huy va être justement de proposer une éducation collective et ouverte aux aveugles de la classe indigente. Il pouvait y avoir des élèves payants, mais tous les aveugles étaient admis. Et Valentin Huy voulait leur apprendre à lire et à écrire. Et c'est ce « et » qui est important, parce qu'on n'a plus notion de cela aujourd'hui, mais autrefois, les deux apprentissages étaient distincts. On apprenait à lire, il y avait peu de gens qui savaient lire, et ensuite seulement, on apprenait à écrire, et il y avait encore moins de gens qui savaient écrire. Et là, on a vraiment le désir d'inclure ces personnes dans un système de production de l'écrit. Donc Valentin Huy va partir d'un... C'était un homme de la langue, on va dire. De la langue aussi bien parlée qu'écrite, puisqu'il a vécu en étant traducteur-interprète et qu'il était maître d'écriture. Il était membre de l'Académie... Le terme m'échappe là. Le Bureau académique d'écriture, voilà, c'est cela. Donc, c'était un organisme de contrôle des écritures, tant dans le fond que dans la forme. C'est-à-dire, il fallait régulariser, homogénéiser les écritures, les rendre plus lisibles. Et puis, il fallait authentifier des textes de toute nature, hein, notariés, financiers, commerciaux, lire les graphies anciennes, enfin, tout ce qui avait trait à l'écriture. Et c'était un organisme de pouvoir aussi, puisqu'il était... Toutes les séances du Bureau académique d'écriture étaient présidées par le procureur du roi et le lieutenant général de police. Donc, ce qui n'est pas... anodin. Oui, Valentin, là, nous avons vraiment un homme du XVIIIe siècle, ce XVIIIe siècle avec, et vous le précisez avec justesse, hein, Noël Roy, ce souci de l'éducation, mais pour beaucoup, ce qui est quand même quelque chose de particulier, et surtout pour ceux qui n'auraient pas normalement accès à l'éducation, ceux qui ne voient pas, donc qui ne peuvent pas lire. Personnage intéressant quand même ce Valentin Ahuy, parce qu'il y a la volonté de prendre en charge les plus modestes. On pourrait le dire, hein, Farida Saïdi Hamid, il y a ici, eh bien, tout ce qui va nous expliquer plus tard Louis Braille dans l'œuvre de Valentin Ahuy. Oui, exactement, parce qu'on est au siècle des Lumières. Alors il faut savoir que déjà, l'histoire des personnes aveugles, l'histoire de leur accès à la culture, à la connaissance, au savoir, ce n'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas linéaire, c'est une série d'épisodes tout à fait contradictoires. Et effectivement, comme le disait Noël Roy, Valentin Ahuy va aussi bénéficier d'un courant qui est celui du siècle des Lumières, et puis ce courant qu'on appelait aussi le sensualisme, c'est-à-dire qu'on commence à penser qu'en fait l'écrit pourrait passer et la connaissance et de l'environnement et des données pourraient aussi passer par d'autres canaux que celui de la vue. Et donc, on se dit, déjà Cicéron, dès l'Antiquité, on se dit sûrement, peut-être, que les personnes aveugles sont capables d'avoir accès à la connaissance et au savoir. Elles sont peut-être aussi intelligentes. Et on commence à dissocier la non-voyance de la non-intelligence. Et c'est très important de le souligner, notamment dans ce travail. Alors, Louis Braille, bien sûr, mais avant lui, Valentin Ahuy, c'est vraiment de considérer ces personnes non-voyantes comme des personnes. Et ça, c'est un nouveau regard porté sur... Nous parlons des non-voyants, mais on pourrait étendre ça aux sourds, à tous ceux qui souffrent d'un handicap. Toutes les minorités. Et c'est vrai qu'il faut aussi signaler la lettre de Diderot à l'usage de ceux qui voient, sur les aveugles, à l'usage de ceux qui voient, donc 1749, que Valentin Ahuy cite aussi dans ses, on va dire, ses sources d'inspiration. L'aveugle devient un sujet. Et il va y avoir une remise en question de la hiérarchie des sens, qui longtemps avait mis le sens de la vue au pinacle, et le sens du toucher étant un sens bestial. Et là, c'est tout ça est revisité par Diderot. Et il y a aussi les opérations de la cataracte qui se pratiquent, qui sont comme des spectacles en fait. Et cette interrogation aussi sur le fait qu'un aveugle qui serait opéré, qui recouvrirait la vue, reconnaîtrait-il simplement avec les yeux une sphère d'un cube sans les toucher. Et on a cette idée que, ben non, il ne les reconnaît pas en fait, que tout se construit et que et que le sens du toucher est un sens qui peut suppléer la vue avantageusement. Très intéressant, hein, cette hiérarchisation des sens avec la vue, bah, tout en haut, hein, bien sûr, comme le sens absolu, c'est la beauté. Mais c'est aussi une prise de conscience de la misère de certains, de la nécessité d'accompagner les gens. Valentin Ahuy met en place cet Institut National des Jeunes Aveugles. C'est le nom aujourd'hui. Lui, quand il le crée, c'est pas un institut évidemment national. Nous sommes sous l'Ancien Régime. C'était quoi son ambition ? Il a créé l'Institution Royale des Jeunes Aveugles. L'ambition de Valentin Ahuy, hein, c'était d'offrir à ces personnes privées de la vue un peu l'opportunité, hein, de prouver qu'elles étaient capables, autant qu'un voyant, d'avoir accès à la connaissance et au savoir, d'apprendre et de pouvoir aussi l'accès, encore une fois, à la lecture puis à l'écriture. Mais le papier reste plat, malgré tout. Donc, qu'est-ce qu'il doit mettre en place pour que ces jeunes aveugles puissent avoir accès à l'écriture et à la lecture ? L'idée de Valentin Ahuy, dans un premier temps, c'est effectivement, en fait, dans un premier temps, et en règle générale, on a pensé qu'il suffisait de mettre en relief notre écriture de voyant pour qu'elle soit accessible et lisible par la personne aveugle. Bon, il s'est avéré que c'était pas du tout, c'était beaucoup plus compliqué que cela. Mais en tout cas, Valentin Ahuy a eu le mérite d'utiliser ce qu'on appelle des techniques de gaufrage, et notre alphabet était donc en relief. Mais vous imaginez la difficulté pour chaque enfant aveugle de devoir reconnaître et de pouvoir reconnaître chaque lettre avec les doigts. Alors, je vais apporter une petite précision. En fait, l'école, au début, elle est privée. Elle est financée par la société philanthropique. En fait, Valentin Ahuy a voulu faire pour les aveugles ce que l'abbé de Lépée avait fait déjà pour les enfants sourds. Ouvrir une école gratuite pour les enfants sourds de la classe indigente. Donc, la technique qu'utilise Valentin Ahuy, c'est effectivement de gaufrer le papier. Et Valentin Ahuy est parti d'un principe qui était qu'en toute chose, il fallait mettre en relation l'aveugle avec le clairvoyant. C'est comme ça qu'on appelait les gens qui voyaient. Et donc, leur écriture doit être la même que celle des voyants. Donc, pour avoir des livres avec cette écriture... Alors, dans notre jargon, enfin dans ce contexte-là plutôt, l'écriture des voyants est désignée par un adjectif substantivé qui est le noir. On appelle l'écriture visuelle le noir. Donc en fait, on va prendre des caractères, il faut fondre des caractères typographiques spéciaux, parce que si on veut que les aveugles lisent du bout du doigt, en allant de la gauche vers la droite, des lignes avec les caractères qui sont dans le sens où on les lit, il faut faire fondre des caractères qui soient dans le sens et non pas inversés, comme dans l'imprimerie ordinaire. L'œil, c'est-à-dire le dessin du caractère, à l'endroit. Alors, Valentin Ahuy va choisir parmi les polices de caractère une police qui soit de la famille du romain, c'est-à-dire sans empattement. Il va la simplifier, il va l'agrandir, et donc on va ainsi graver des poinçons dans le sens de la lecture avec ces caractères. On composait sa page, et puis ensuite on prenait un papier, et on s'était rendu compte que si on prenait le papier tel quel, la pression allait le rompre. Donc, il travaillait avec un imprimeur qui s'appelait Clouzier, imprimeur du roi. Et donc, Clouzier avait préconisé de mouiller le papier pour le rendre plus souple. Donc, on mettait le papier et... La presse habituelle, celle qui presse par le haut, comme on presse le raisin, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui exerçait une pression trop importante et rompait le papier, déchirait le papier. Donc Clouzier a inventé une presse à cylindre, qui donc, on roulait le cylindre doucement, et ainsi la pression se répartissait plus doucement sur le papier, ce qui permettait de garder, de gaufrer un papier, et d'avoir un papier bien gaufré. Ensuite, on mettait à sécher les feuilles, et on les collait dos à dos pour avoir un recto verso. Et donc, comme cette typographie représente des lignes qui sont tantôt courbes, tantôt droites, les deux mêlées. On a appelé cette impression le relief linéaire ou le linéaire. Et pour qu'il y ait une meilleure réciprocité entre les aveugles et les voyants, Valentin Huy préconisait de noircir la crête, la fine crête du relief, avec un tympan imprégné d'encre. Et donc, c'était pour que ça parle aussi bien, ça parle aussi bien aux yeux des voyants qu'au toucher des aveugles. Donc, il avait vraiment cette idée de réciprocité et de mise en relation des aveugles et des voyants. Les aveugles se pliaient aux méthodes du plus grand nombre, pour le mot n'existait pas, mais pour s'intégrer. C'est une méthode qui est dite mimétique, parce qu'en fait, ils font comme les voyants. Pas tout à fait, puisqu'il y a le relief. Mais c'est l'écriture des voyants qui est mise en relief. Avec le braille, on est dans tout à fait autre chose. Nicole Roy, vous êtes conservatrice, vous avez été conservatrice du musée Valentin Huy, responsable de la bibliothèque patrimoniale de ce musée Valentin Huy. Donc on sent que vous connaissez cette histoire, mais sur le bout des doigts, avec les limites aussi de ce que proposait Valentin Huy. Ça fonctionnait vraiment ce système-là en mettant nos lettres à nous, ces lettres que nous connaissons, en relief? Alors, pour la lecture, ça fonctionnait. Pour l'écriture, c'était beaucoup plus improbable. Alors, les détracteurs de Valentin Huy disaient qu'il y avait tellement peu de livres que les élèves les savaient par cœur. Bon, c'est méchant. Je pense que ça devait quand même marcher. Et puis, il y avait aussi, pas que les aveugles, il y avait les malvoyants. Le mot n'existait pas, mais on disait, on parlait de personnes qui avaient un point de vue. Bon, maintenant, ça n'a plus du tout le même sens. Ou bien de demi-aveugles. On n'avait pas les moyens de mesurer l'acuité visuelle comme aujourd'hui. Mais en tout cas, même si ça ne marchait pas, l'ambition était là. Et je dirais que l'impulsion est donnée. Et cette école, qui était une école privée, et donc qui avait besoin de mécènes, on dira, les membres de la société philanthropique, c'était des grands noms de l'aristocratie française, c'était des gens qui étaient extrêmement riches, et c'était des francs-maçons. Quand la Révolution arrive, il n'y a plus cette manne, on va dire, et donc il faut se tourner vers la collectivité. Et donc l'école, en fait, a été nationalisée, comme celle des sourds, en deux temps, 1791 et 1795, et 1795 avec l'appellation de « institution des jeunes aveugles travailleurs ». C'est-à-dire que à l'époque de Valentin Huy, déjà, on enseignait des métiers manuels. Pour que les aveugles aient un moyen de vivre s'ils n'étaient pas musiciens ou s'ils n'étaient pas de famille qui avait les moyens de les nourrir. Mais il faut voir aussi que ces activités délient les doigts et que l'écriture, c'est un savoir-faire. Et le braille, d'autant plus, c'est un savoir et c'est un savoir-faire. Et donc, c'est très important aussi d'avoir des compétences au bout des doigts. C'est tout le braille. C'est toute cette histoire de braille. Alors braille, bien sûr, l'écriture, mais c'est un personnage, c'est Louis Braille, Farida Saïdi Hamid. À quel moment Louis Braille, le personnage, rencontre cette institution consacrée aux jeunes aveugles? Alors, Louis Braille est né voyant, donc il a eu un accident à l'âge de 3 ans, dans l'atelier de son papa qui était bourrelier, donc entre ses 3 ans et ses 5 ans, il perd la vue. Et c'est à l'âge de 10 ans, donc c'était le 15 février 1819, qu'il part en diligence de la ville de Couvray, où est sa maison natale aujourd'hui, le musée, pour gagner l'institution royale des jeunes aveugles. Donc c'est à l'âge de 10 ans qu'il y entre. Et puis c'est en 1821 qu'il rencontre, en fait, qu'il fait un peu une rencontre décisive dans sa réflexion, dans sa création. C'est le système de Barbier qui lui est présenté à ce moment-là. Barbier, parce que c'est pour ça qu'on insiste vraiment beaucoup dans cette émission qu'il ne faut pas réduire une invention, un personnage, on le sait bien que c'est toujours un processus beaucoup plus long. Nous avons cité Valentin Ahuy, il y a d'autres personnages. Barbier, qui est-il dans cette histoire ? Barbier, il est souvent le grand oublié de l'histoire, ou quand il n'est pas oublié, il est caricaturé. Outrageusement, je dirais caricaturé. Et donc, c'est quelque chose qui est intriguant. Barbier, c'est quelqu'un qui a eu plusieurs vies. Alors, pour le situer, il est né dans le temps, il est né en 1767 et il est mort en 1841. À 17 ans, il fait ses études à l'école d'artillerie de Douai. Il est sous-lieutenant, et le 18 mai 1792, il est nommé capitaine. Le 20 mai de la même année, 1792, il démissionne. Ça n'a pas duré longtemps. Il est un capitaine de 2 jours. Alors, ce qui est étrange, c'est que souvent, quand il apparaît dans les récits, on parle du capitaine Barbier, plein de morgue et irascible. Donc, il quitte l'armée, il quitte la France, il part aux États-Unis d'Amérique, à Baltimore. Il a là-bas un frère qui a combattu dans la guerre d'indépendance américaine. Il lui faut bien vivre, il donne des leçons de français, il donne des leçons de mathématiques appliquées à l'arpentage, il devient arpenteur et il devient propriétaire. Alors tous ces renseignements, je les ai depuis pas très longtemps, parce que j'ai une chercheuse, Philippa Comsey, canadienne, qui a travaillé, qui s'est prise de passion, on va dire, pour le sujet, et qui l'a pisté aux États-Unis, mais pas seulement, à Paris, à Versailles aussi, en France. Donc, il revient en France dans les premières années du 19e siècle. Il ne réintègre pas l'armée et il va consacrer tout son temps, il devait avoir quelques rentes, à faire des recherches sur ce qu'il estime être la plus belle des inventions de l'humanité, c'est-à-dire l'écriture. Et il veut rendre cette écriture accessible à tout le monde. Alors, bien sûr, il a été militaire, il songe aux militaires, il songe aussi aux diplomates, mais c'est pas ça qui le préoccupe. Il veut apporter l'écriture à tous ceux qu'il nomme les déshérités de l'instruction, c'est-à-dire à peu près tout le monde à cette époque-là. Les déshérités de l'instruction, c'est tous les gens qui n'ont pas les moyens financiers, cognitifs, de faire des études. Et ce sont les classes laborieuses, ce sont les paysans, ce sont les ouvriers, ce sont ce qu'on appelle les valétudinaires, c'est-à-dire les malades chroniques, ce sont les sourds, ce sont les aveugles. Et son cœur de cible, ce sont les bambins qui sont recueillis dans les salles, ce qu'on appelle les salles d'asile. Ces salles d'asile, elles ont été créées par les municipalités pour accueillir ces enfants dont les parents travaillent, qui n'ont pas les moyens de les faire garder, ce qui sinon serait à la rue. Et ces salles d'asile, ça va devenir à la fin du 19e siècle les écoles maternelles. Donc voilà, il va estimer qu'on est dans l'urgence. Et pour pallier l'illettrisme, on va revenir à un état supposé originel de la langue qui consiste à l'écrire comme on l'entend, un système phonétique, et pas du tout comme on le lit parfois, parce qu'il estimait que l'orthographe était inutile aux humbles. Non, il fallait aller vite. Ensuite, si on avait le temps, on pourrait apprendre l'orthographe. Mais dans l'urgence, eh bien, on adopte un système sonographique. Et donc, c'est un système d'écriture, en fait, qu'il propose ce Charles Barbier de la Serre, oublié de cette histoire. C'est un système qui permet d'écrire et de lire sans voir. Alors, parmi tous ces procédés, il y en avait énormément. Il y en avait un qu'il destinait aux aveugles, et c'était un procédé donc qui utilise les points. Alors, pourquoi le point? Parce que Barbier estimait que le point était le signe le plus simple qu'on puisse utiliser pour l'écriture. Et donc, ce système destiné aux aveugles, il le dit, il l'écrit, c'est pour les aveugles. Donc, c'est pas une invention militaire qui aurait été détournée. Pour les militaires, il y avait autre chose. Donc, il commence par faire un tableau de 36 sons, pardon. Il range ces sons selon des colonnes. Pardon, excusez-moi, je reprends. Donc, il trouve qu'on peut dire, donc écrire le français avec 36 sons. Donc, il va mettre ces sons dans un tableau de 6 lignes et 6 colonnes. Il fallait savoir par cœur ce tableau en associant à chacun des sons ses coordonnées, la position dans le tableau, le numéro de la ligne, donc l'abscisse, et le numéro de la colonne, donc l'ordonnée. Et une fois qu'on avait mentalement intégré ce code chiffré pour chacun des sons, le son était représenté par des points en relief sur 2 colonnes. Donc on avait à gauche un nombre de points qui correspondait au chiffre de l'abscisse et à droite un nombre de points qui correspondait au chiffre de l'ordonnée. C'est difficile à expliquer sans matériel, parce que tous ces procédés sont des manières de faire. Mais ça formait donc une cellule. Et si on voulait écrire, par exemple, jeudi, alors je regarde mon tableau, parce que moi je ne sais pas le tableau par cœur. Le J se trouve à la 3e ligne. Et à la 4e colonne. Donc, on va représenter le J par 3 points et à côté 4 points. Et ainsi de suite. Et donc, ça, c'était pour lire. Mais pour écrire, il fallait avoir du matériel. Il y a un côté très technique dans tous ces procédés. Donc, on a un support en bois qui est creusé de lignes qui forment comme des portées, 6 lignes à chaque fois. On met son papier sur ce support, on rabat par-dessus un cadre. Le cadre en sert une grille métallique avec des fenêtres, et les fenêtres permettent de se guider avec un poinçon pour aller repousser le papier dans les sillons et former les points. Comme, en tout cas en France, on lit en allant de la gauche vers la droite, et que là on travaillait sur l'envers du papier, il fallait commencer à écrire en allant de la droite vers la gauche. Et les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure pour le J, c'est-à-dire 3 et 4, oui, c'est ça, eh bien, il fallait les renverser en miroir pour qu'une fois retourné le papier, le doigt sente bien, effectivement, que c'est 3 et 4, donc c'est le J si on se reporte mentalement au tableau. Et ce système, je termine, ce système a été introduit à l'Institution royale des jeunes aveugles. On était sous la Restauration en 1821. Et les élèves aveugles ont trouvé que c'était beaucoup plus facile que le linéaire. Donc on peut imaginer combien était difficile le système de Valentin Huy. Le système de Valentin Huy, avec ses lettres, nos lettres en relief, était difficile. Ce système mis en place par Charles Barbier de la Serre, oui, est plus innovant avec des points, mais c'est un tantinet compliqué. Malgré tout, c'est innovant. Farida Saïdi Hamid, c'est-à-dire que Louis Braille, quand il se trouve à cet Institut des jeunes aveugles, découvre ce système de Charles Barbier. Oui. Il le découvre, oui. Alors, il était effectivement compliqué. Alors, effectivement, la technique du point saillant s'avère beaucoup plus efficace et évidente pour la lecture avec le doigt. Mais c'était surtout la question de la sonographie. En fait, Louis Braille voulait, je pense, un accès égal à la connaissance et au savoir. Il fallait pas que les aveugles continuent d'être des citoyens de seconde zone et avoir une écriture de seconde zone. On ne parlait pas, on ne devait pas écrire comme on prononce, un peu le texto des ados qu'on a d'aujourd'hui. Donc voilà, non. Après, je pense, la croisade de Louis Braille, la croisade dans le sens positif du terme, c'était vraiment de partir de l'idée que les points saillants, c'était la piste et c'était la solution. Parce qu'effectivement, les enfants aveugles aussi, comme lui à l'institution, avaient expérimenté ces points saillants sous le doigt. Et ça, pour eux, c'était beaucoup moins galère, entre guillemets, que ce qu'on leur demandait de faire avec le noir, avec l'écriture des voyants. Et voilà, donc Louis Braille a commencé à penser son système. Alors il l'a simplifié, celui de Barbier. La cellule passe de 12 points à 6 points. 6 points parce que je pense qu'il a peut-être tout de suite penser ergonomie, en fait. Il fallait vraiment que cette cellule soit formatée à quelques millimètres près pour que la pulpe de l'index la sente parfaitement et que la lecture soit la plus fluide possible avec le doigt. On peut rappeler que Louis Braille est jeune au moment où il met en place son procédé. Oui, oui, parce qu'il a 12 ans quand il entre en contact avec le système de Barbier de la Serre. Et puis il termine son écriture telle qu'elle est quasiment aujourd'hui quand il a 15 ans et demi, 16 ans. Vous parliez donc des textos des ados. Il était, alors la notion d'adolescent n'existait pas, mais enfin il était jeune, hein, c'est moins de 15 exactement. Ans. Exactement. Et c'est un génial inventeur, en plus pour inventer une écriture qui est encore une fois vraiment, je pense, un fondement dans l'histoire de l'humanité. Et puis, bah oui, c'est pas un vieux bonhomme de 50 ans, c'est un jeune ado qui invente cette écriture. Et il a 20 ans quand il fait paraître son procédé pour écrire les paroles, la musique et le plein chant au moyen de points. Voici la formation des 10 signes fondamentaux. Le premier signe est représenté par un point placé à la partie supérieure de la première rangée. Le second, par un point à chaque partie de la première rangée. Le troisième, par un point à la partie supérieure de chaque rangée. Le quatrième, par un point à la partie supérieure de la première rangée. Le cinquième, par un point à la partie supérieure de la première rangée et un autre point à la partie inférieure. Le sixième, par un point à chaque partie de la première rangée et un autre point. Le septième, par un point à chaque partie de la première et de la seconde rangée. Par un point à chaque partie de la première rangée et un autre point à la partie inférieure et un autre point à la partie supérieure. Lecture d'un extrait de ce procédé pour écrire les paroles, la musique et le plein chant moyen de points de Louis Braille, une lecture d'Anna Holweck qui réalise le cours de l'histoire sur France Culture avec aujourd'hui à la technique Élise Lenoël-Roy. Le procédé de Louis Braille, c'est une amélioration de ce qui avait été proposé par Charles Barbier auparavant, ou alors il y a un apport vraiment nouveau, comme l'on disait, beaucoup plus réfléchi pour une écriture et donc une lecture plus efficace? C'est un saut, en fait. Charles Barbier, qui a abandonné la particule quand il est revenu des États-Unis, Charles Barbier, en fait, a porté les points. Mais Louis Braille a voulu transmettre la culture qu'il avait reçue. C'était un excellent élève, donc il a voulu que tout ce qu'on peut écrire en noir puisse se transcrire en braille. On dit transcrire, hein, parce que le braille n'est pas une langue étrangère, c'est un codage tactile de la langue écrite par une même communauté linguistique. Je dis ça parce que on a parfois l'idée, comme le braille, on parle de braille universel, c'est le codage qui est universel. Mais par exemple, un brailliste de langue française, qui aurait envie de lire dans le texte un roman d'Agatha Christie, par exemple, et qui ne connaîtrait pas l'anglais, devrait d'abord apprendre l'anglais avant de lire ce roman en braille. Donc, je ne sais pas pourquoi je faisais cette discrétion. Si, c'est à propos de la même communauté linguistique. Donc, il a voulu que tout ce qui s'écrit en noir se transcrive en braille. C'est-à-dire, pour l'alphabet, par exemple, il y a les 26 lettres de l'alphabet latin, mais il y a aussi toutes les lettres augmentées de signes diacritiques, c'est-à-dire un détail qu'on va ajouter au-dessus ou en dessous, les accents, le cécédille, et puis une ligature qui est le E dans l'O. Donc ça fait 40 lettres. Pour nous, voyant un A, c'est toujours un A. Après, c'est un détail qui a un accent ou aigu, enfin grave ou circonflexe. Mais en braille, ce sont des lettres complètement différentes. C'est pour ça qu'il est très important d'accentuer les majuscules quand on écrit un texte en noir, parce que c'est pas la même lettre en braille. On peut changer complètement le sens d'une phrase. On le sait bien, il y a des choses assez drôles à ce sujet. Ce qui veut dire que quelqu'un qui lit un texte en braille peut lire un texte de n'importe quelle langue. Alors vous l'avez dit avec beaucoup de justesse, un texte en braille en anglais, on ne le comprend que si on comprend l'anglais. C'est aussi ça la révolution du braille. Oui, oui. Alors, c'est effectivement, le braille existe dans toutes les langues du monde. Hein. Il y a 137 codes braille partout dans le monde, 142 pays. Mais effectivement, la force du braille, c'est qu'il part de cette codification. Il y a 63 combinaisons différentes. Effectivement, toutes les lettres de l'alphabet, les lettres accentuées, la ponctuation, puis les signes arithmétiques, parce qu'on peut faire aussi des maths en braille. C'est ça qui est la force du braille. Mais vraiment, l'idée de Louis Braille, c'était, voilà, on a un alphabet et il faut qu'il soit le même que les voyants. Et puis effectivement, un brailliste qui va lire du braille italien ou voilà, sont aussi des racines latines, il va réussir à le déchiffrer sans comprendre le sens. Mais le braille chinois, le braille arabe, le braille même, il existe même du braille en espéranto. Donc effectivement, ce sera aussi toujours cette cellule de 6 points. Il met à partir de quand en place son alphabet? On l'a dit, 1829, il y a la publication de son ouvrage. Mais ça y est, il sort en fait de l'Institut pour les jeunes aveugles. On sent qu'il s'adresse à une plus grande population. À partir de quel moment on commence à se dire, tiens, là, il se passe quelque chose. Il y a une écriture qui va nous permettre, eh bien, de transcrire tous les textes en noir, ceux que les voyants peuvent lire, pour les non-voyants. Alors, Louis Braille déjà est élève à l'institution royale. Ensuite, il y est répétiteur, puis enseignant. Donc, il va y passer sa vie, en fait, hein, dans cette institution royale. Parce que je pense qu'ensuite, quand son système est terminé, quand il est adoubé, en fait, hein, par les utilisateurs aveugles, le Braille a eu du mal à s'imposer. Hein. La reconnaissance officielle du Braille, c'est 1854, donc 2 ans en France. Hein. Donc, 2 ans après la mort de Louis Braille, il est mort le 6 janvier 1852. Donc effectivement, le braille a eu du mal à s'imposer tout au long de ces années après Louis Braille. Quelques systèmes concurrents, hein, du braille ont émergé aussi, hein, qui ont été utilisés encore jusque dans les années 1950 et même un système concurrent qui serait encore utilisé aujourd'hui aux États-Unis. Mais c'est toujours les utilisateurs aveugles qui ont eu, entre guillemets, le dernier mot et qui ont fait de ce système un système universellement adopté. Dans le cours de l'histoire sur France Culture, écrire du bout des doigts, c'est l'invention du braille. Un objet vous parle, vous parle, vous parle. Le livre que je suis est né des mains de Louis Braille. De lui à moi, il y avait une sorte de communion étroite. J'étais le reflet de sa pensée et je représentais pour lui, avec ses cartons séparés qui me composent, gaufrés de caractères en relief, le lien qui lui permettait de communiquer avec ceux qui voient. Il fallait un aveugle pour pénétrer la psychologie des aveugles, leur donner la possibilité d'utiliser toutes les nuances, toutes les finesses du langage. Et cela a été le grand mérite de Louis Braille. Un objet nous parle en 1963 avec des émissions qui étaient complètement hallucinantes dans le Rodas, Farida, Saïdi Hamid, avec Louis Braille. Il y a cette volonté d'émancipation. Écrire le braille, c'est s'émanciper du bout des doigts. C'est pas simplement juste un accès à la lecture et aux ouvrages. Ça va beaucoup plus loin, en fait. C'est une vision plus large. Oui, l'accès, mais d'ailleurs la question de l'éducation de l'enfant aveugle, hein, dès sa naissance, de son accès à l'écrit, à la connaissance, au savoir, il est maintenant heureusement de plus en plus étudié et puis on y prête de plus en plus attention. Mais effectivement, le braille, ça n'est pas qu'un simple accès à l'écriture ou à la lecture, c'est aussi donner enfin aux personnes aveugles du monde entier, la possibilité d'avoir dès leur naissance un accès égal, en fait, à cette connaissance et au savoir. L'écriture, c'est le véhicule de la pensée, en fait. L'écriture, c'est ce qui rend intelligent. Et quid de ces enfants aveugles, par exemple, qui naissent sans la vue, alors que notre monde est basé à 300% sur le visuel? Comment est-ce qu'on construit leur littératie, c'est-à-dire leur façon et leur capacité à lire et à écrire sans rien voir? Donc voilà, le braille est essentiel. Et puis aussi, toute la partie tactile et le toucher, c'est-à-dire comment un enfant aveugle et un plus grand qui ne voit pas explore et découvre le monde qui l'entoure. Du bout de l'index, par la pulpe, on sent ses points et il est possible de lire un texte en braille. Noël Roy, en revanche, pour écrire le braille, est-ce que c'est facile ? Alors, je voudrais tout d'abord revenir un petit peu sur la manière dont le braille s'est imposé. Je suis pas tout à fait d'accord avec Farida là-dessus. Je trouve qu'on a beaucoup exagéré les obstacles mis à Louis Braille quand il a découvert son système. Parce que moi, j'ai trouvé que Pigné protégeait énormément son jeune élève qui est devenu très rapidement enseignant. À 14 ans, il était contremaître de l'atelier de fabrication de chaussons, de lisières et de tresses. Ça peut sembler anecdotique, mais ça ne l'est pas. Je veux dire, à 14 ans, contremaître, c'est un métier d'homme. Et puis, les enfants, à cette époque-là, travaillaient très très jeunes, dès l'âge de raison. Et donc, oui, il était précoce, heureusement, parce qu'il est mort jeune. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il a été porté par Pigné. Barbier tenait beaucoup à sa sonographie et il essayait de savoir comment ça se passait à l'institution et il aurait bien voulu aller voir. Et Pigné l'a toujours maintenu en dehors de cette histoire-là parce qu'il savait bien, il sentait bien que son élève était en train de trouver quelque chose de formidable. Qui est ce Pigné ? Pigné, c'est le directeur de l'Institution royale des jeunes aveugles de 1821. C'est lui qui a introduit le système de Barbier jusqu'en 1840. Et Pigné, nous sommes sous la Restauration, c'était un ultra catholique, un ultra royaliste, c'était un membre de la congrégation, c'était un membre de la Société des Bonnes Œuvres, c'était l'éminence grise du ministère Villèle qui voulait un contrôle de l'éducation, de l'instruction publique par l'Église. Et pourtant, cet homme qui était, on dirait maintenant, réactionnaire, a accueilli cette méthode nouvelle et a permis à Louis Braille de finaliser son système. Et en fait, le Braille a permis aux élèves de l'institution de faire la preuve de leur capacité intellectuelle. Il a stimulé les études, il a favorisé l'émergence d'une élite au sein de cette institution, une élite qui dès lors a milité pour que toutes les personnes aveugles bénéficient du braille, qui est un outil d'émancipation intellectuelle, mais pas seulement sociale. Et donc, il va y avoir la montée en puissance d'un sentiment identitaire, d'appartenir à une communauté qui a des besoins spécifiques. Et ça va se concrétiser par la création d'associations, la première du genre, donc l'association Valentin Huy. Mais ensuite, on a dit que Dufaux, qui a succédé à Pigné, avait brûlé dans un auto-da-fé tous les ouvrages qui étaient imprimés en braille. D'abord, je ne pense pas qu'il y avait beaucoup d'ouvrages imprimés en braille, parce que ça coûte cher de changer de système typographique, de refondre des types. Mais le braille, quand le nouveau bâtiment 56, du 56 boulevard des Invalides a été construit, il y a eu des discours et à ce moment-là, Joseph Gadet, qui était chef de l'enseignement, va faire un discours, il va parler de Barbier, de la méthode de Barbier, ensuite il va parler de Monsieur Louis Braille, un de nos jeunes enseignants, plein de promesses, enfin en substance, et dont l'écriture maintenant a remplacé l'ancienne. Et on va créer un prix d'écriture en braille pour les garçons d'abord, ensuite l'année d'après pour les filles. Et puis, on va... Le braille, en fait, Pigné l'avait introduit à titre accessoire et secondaire de l'instruction, pour que les élèves puissent correspondre entre eux, puissent prendre leurs notes de cours. Donc, c'était un usage personnel. Et c'est ce qui se faisait aussi à l'époque de Dufaux. Donc, c'est vrai que Dufaux a inventé un nouveau linéaire, mais tous les directeurs, en arrivant, mettaient leur grain de sel et modifiaient un petit peu le linéaire. Le linéaire, c'était pour imprimer les livres, mais les élèves utilisaient le braille et ils ne l'utilisaient pas clandestinement parce que ça fait du bruit d'écrire en braille. Donc je m'élève en fou un petit peu contre ces récits qui mettent des bâtons dans les roues à Louis Braille alors que je trouve que finalement ça s'est imposé assez rapidement. Oui, parce qu'on voit comment se construit ce discours d'héroïsation du personnage où, dans une narration comme celle-ci, il faut qu'il y ait des obstacles. On a un petit peu accentué les obstacles pour faire de Louis Braille un héros encore Non, je ne pense pas vraiment qu'ils ont été, que les obstacles aient été accentués. Je pense que vraiment, le Braille a eu du mal à s'imposer, qu'effectivement, grâce au nouveau directeur, l'ancien directeur, effectivement, avait beaucoup soutenu Louis Braille et sa démarche, etc. Mais si aujourd'hui, on a à peine, alors les chiffres sont un peu compliqués à utiliser parce qu'on n'a pas d'études officielles épidémiologiques, mais aujourd'hui, on dénombre à peu près 12% de braillistes en France. Alors, si nous, on était 12% de lettrés, nous les voyants, on était 12% de lettrés, ça choque encore personne. Donc je pense vraiment que le braille, est très très très malmené depuis Louis Braille jusqu'à aujourd'hui et partout dans le monde. Oui, parce qu'il y a des modèles concurrents, vous l'avez évoqué aussi, au moment de regarder cette histoire de l'écriture pour les non-voyants, il y a l'oubli parfois des autres modèles d'écriture comme ça peut exister aux États-Unis, avec une histoire toujours complexe quand il s'agit d'un personnage qui arrive au Panthéon, qui devient une grande figure. On sait comment ça se passe. On connaît la musique. Cet aveugle qui arpente seul et d'un pas décidé le boulevard des Invalides, c'est Gaston Litaize. Il se rend à l'orgue dont il est le titulaire, celui de Saint-François-Xavier. Il est un des plus grands virtuoses de notre temps. Avec lui, nous gravissons dans l'obscurité l'escalier en colimaçon qui conduit à la tribune de l'orgue. Chose curieuse, c'est au plus complexe de tous les instruments de musique, c'est à l'orgue que l'aveugle manifeste le plus d'indépendance et de facilité. Nous étions en 1964 dans l'émission Le Monde de la Musique avec ici un écho à Louis Braille, car Louis Braille aussi musicien, organiste, et on l'a évoqué tout à l'heure, le titre de cet ouvrage, procédé pour écrire les paroles, la musique et le plein chant au moyen de points. Farida Saïdi Hamid, la musique fait partie aussi de cette histoire-là, parce que le rythme est important dans la lecture, nous le savons bien, et dès lors dans l'écriture. Oui, alors après, effectivement, grâce à Louis Braille, une fois qu'il a effectivement terminé sa codification, son écriture Braille, il c'était un très très bon musicien, un très bon organiste aussi, il jouait aussi un peu de piano et de violoncelle, et donc il s'est attaqué à la notation musicale. Donc effectivement, il a créé un peu plus tard la notation musicale, donc le braille existe aussi, et aussi accessible, le solfège est aussi accessible pour les personnes aveugles en braille, grâce à Louis Braille aussi. Bon, malheureusement, le braille est déjà trop peu accessible à l'école aujourd'hui, alors vous imaginez dans un conservatoire, c'est mission impossible, malheureusement. Ce serait complètement autre chose. Mais l'idée de Louis Braille de pouvoir transcrire des textes et de la musique, on le sent bien que là, ce qui se passe dans ce premier 19e siècle, c'est une réelle révolution pour ceux qui ne voient pas. Noël Roy, vous nous avez dit que ça faisait beaucoup de bruit d'écrire en braille. Ça fait du bruit, oui. Spinier parlait des picotis de Louis Braille. Parce que en fait, c'est le même principe que pour le barbier, c'est des tablettes à écrire. À cette époque-là, c'est tout ce qu'il y avait. Et en fait, vous avez les sillons et vous rabattez par-dessus soit une grille, soit une barrette qui va descendre de ligne en ligne. Et là, la cellule, au lieu d'être de colonnes de 1 à 6 points, c'est donc de colonnes de 1 à 3 points. Et cette cellule braille, elle s'adapte parfaitement, comme disait Farida tout à l'heure, à la pulpe du doigt. Et la lecture ne fait pas de bruit en revanche et peut se pratiquer dans le noir. Mais l'écriture, oui, ça fait du bruit. Ensuite, il y a eu toute l'évolution des tablettes avec des cuvettes. Et puis maintenant, il y a l'usage de l'informatique. Et le braille est d'une est tellement simple. Enfin, simple, c'est vite dit, mais je veux dire, sa structure est très simple, puisqu'on peut tout écrire avec 6 points et 10 signes fondamentaux. Et donc, le braille a pu s'adapter à l'informatique, moyennant 2 points supplémentaires, parce qu'il n'y avait pas assez de combinaison avec les 6 points. Donc, on a rajouté le point 7 et le point 8, mais en laissant la cellule braille telle qu'elle était, pour ne pas bouleverser tout le système. Donc, on a le point 7 sous le point 3 et le point 8 sous le point 6. Donc, voilà, c'est une combinatoire. Et je ne sais plus quelle était votre question. C'était sur la difficulté d'écrire en braille avec le bruit. Oui. Mais ce que j'entends, Noël Roy, quand vous évoquez cette histoire du braille, c'est que le procédé mis en place par Louis Braille au 19e siècle a évolué, bien sûr, comme tout évolue, mais pas tant que ça. Non, c'est toujours à peu près le même. Hein. Oui. Aujourd'hui, le braille tel qu'a été créé par Louis Braille est quasiment le même aujourd'hui. Et, alors, le braille est une écriture, hein, donc il va évoluer. Les combinaisons, la codification va évoluer avec la langue du pays en question. Et évidemment, là, par exemple, dans l'alphabet braille, le W n'est pas à la même place que notre alphabet noir de voyant, parce que à l'époque, hein, le W était un peu moins utilisé. Mais, mais voilà, le braille va évoluer avec la langue de chacun des pays aussi. Et à l'époque de Louis Braille, il n'y avait pas des signes comme l'arrobase et d'autres signes, donc ils ont été créés dans un deuxième temps. Oui, il a fallu en rajouter sur cette évolution du braille, Noël Roy. Noël. L'évolution du braille aujourd'hui à travers tout ce long temps qui nous sépare de la mise en place du procédé par Louis Braille. Je crois pas qu'il ait énormément changé. On a rajouté des choses, mais le principe est resté le même. C'est-à-dire que à 16 ans, c'était en boîte, c'était bon. Peut-être effectivement la musique a un petit peu évolué, mais non, c'est ça qui fait que cette histoire, il n'y a pas besoin d'en rajouter, quoi. Il n'y a pas besoin de dire qu'il était persécuté. C'est déjà formidable tout ce qu'il a fait. Et puis c'est suffisamment tragique en soi cette histoire. Pour ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il a été porté par ses parents. Hein. Oui, on sent l'importance de ses parents dans cette histoire avec cet accident, parce que il a vu dans ses premières années, et puis il devient un héros national. On peut le dire. Il y a la panthéonisation en 1952, et puis même dans son village natal, à Couvray, c'est en Seine-et-Marne. C'est pas très loin de Paris, ce à 45 musée. 45 kilomètres de Paris. Oui. Voilà, il y a une figure majeure de Louis Braille, avec malgré tout. Et on va l'entendre comme une mise en abîme, les progrès techniques qui donnent une autre relation aujourd'hui pour les aveugles, les non-voyants, à l'écriture et à la lecture. C'était une belle matinée de printemps. Louis était assis sur les marches de la véranda devant la maison. Et 1000 choses se passaient autour de lui. Des nuages ventrus se promenaient dans le ciel bleu. Un oiseau construisait son nid dans un arbre tout proche. Une vache passait dans le pré voisin, un lièvre détalait et une coccinelle cheminait lentement sur une herbe. Pourtant, Louis Braille ne voyait rien de tout cela. Ce petit garçon était aveugle. Il ne l'avait pas toujours été. Comme les autres, durant les 3 premières années de sa vie, Louis avait vu les arbres, les champs, la rivière, le ciel et les rues de Couvray, la petite ville où il vivait. Il avait vu sa mère et son père, son frère et ses sœurs, et la petite maison de pierre qu'ils habitaient. Alors c'est un livre audio publié par les éditions Gallimard, Louis Braille, l'enfant de la nuit de Margaret Davidson. Farida Saïdi Hamid, vous êtes directrice conservatrice du musée Louis Braille. Bien sûr, le livre audio, c'est un autre moyen d'accès à la lecture. Et puis alors, tout ce que propose aujourd'hui Internet pour retranscrire des textes en audio, ça n'enlève pas la force de cette écriture qu'est le braille. Oui, alors c'est la difficulté effectivement du braille d'être proposé quand même correctement aujourd'hui dans les écoles pour les enfants aveugles et puis les plus grands, c'est qu'effectivement on a tendance à penser que l'audio peut remplacer le braille, l'écriture braille. Or, pour la construction du langage, de l'intelligence, il faut passer immanquablement par l'écrit. En fait, un texte qui est lu n'est pas le texte que l'on lit soi-même. L'appropriation directe du texte écrit n'est pas remplaçable. Et aujourd'hui, on pense qu'effectivement, Voilà, mettre des enfants aveugles à l'écoute d'un texte, ça peut remplacer leur écriture. Non, ça ne remplace pas leur écriture. Il faut bien insister, hein. Et donc ça nécessite encore et encore de mettre en avant le braille avec toujours cette idée que bah non, maintenant la technique va tout remplacer. Non. Non, la technique ne remplace pas. Et surtout dans cette question fondamentale de l'accès à l'écrit, donc de l'accès à la construction du langage, c'est fondamental de passer par le stade de l'écrit parce que lorsque l'on écrit, en fait, ben, il se produit dans le cerveau des activations de zones qui sont essentielles pour la construction de la mémoire, la construction de l'apprentissage et même la technique de la motricité qui est indispensable quand on écrit à la main. Et même écrire au clavier, hein, selon les neuroscientifiques, n'est pas la même chose et n'a pas le même avantage que d'écrire vraiment à la main et au papier. En fait, moi, je voudrais juste dire que, effectivement, quand on est, on a eu l'ordinateur et le vocal, on nous a pas demandé d'arrêter d'écrire avec le stylo et le papier. Bah, c'est très bien de le rappeler, hein. Farida Saïdi Hamid, directrice conservatrice du musée Louis Braille. On trouvera tous les liens sur le site internet du cours de l'histoire franceculture.fr. Merci vivement à vous et merci aussi à vous, Noël Roy, d'avoir notamment mis en avant Valentin Ahuy. Merci beaucoup. Merci. Il est temps de retrouver Gérard Noiriel, le pourquoi du comment. Comment pouvait-on devenir rouge-brun dans les années 30 ? Le terme rouge-brun désigne une personne ou une mouvance politique qui défend des arguments résultant d'un mélange entre ceux de l'extrême droite, le brun, et ceux de l'extrême gauche, le rouge. Le Parti populaire français, PPF, né en 1936, est souvent cité comme un exemple typique de cette manière de conjuguer deux perspectives politiques aux antipodes l'une de l'autre. Lors de sa fondation, la direction de ce nouveau parti était largement dominée par des militants d'extrême gauche. Dans le premier bureau politique du PPF, 7 dirigeants sur 8 étaient d'anciens communistes. C'était le cas de Jacques Doriot, maire de Saint-Denis, qui fut le fondateur et le leader de ce parti. Le PPF rejetait le libéralisme économique et prônait la création d'un fonds social géré par le gouvernement, alimenté par un prélèvement sur les profits jugés excessifs. Mais ce discours de gauche était complété par des arguments clairement empruntés à l'extrême droite. Le PPF se singularisa d'emblée, en effet, par la violence de ses discours xénophobes et antisémites, mais aussi par son anticommunisme radical. La crise économique des années 30, puis la victoire du Front populaire et les grèves massives de mai-juin 36 provoquèrent une radicalisation extrême du combat politique que le PPF a tenté d'exploiter à son profit. À gauche, l'équilibre des forces s'est modifié au profit du Parti communiste. À droite, la Ligue des Croix de Feu, qui était à l'origine un mouvement d'anciens combattants, s'est transformée en une puissante organisation politique, le Parti social français. Jacques Doriot, qui avait été exclu du PCF en 1934, a cru qu'il pourrait rassembler des anciens communistes et des ex-Croix de Feu pour se faire une place au sein de cette nouvelle droite. Mais le passé révolutionnaire de Doriot le rendait suspect aux yeux des conservateurs et la gauche ne cessa de le dénoncer comme un traître. Dans le courant de l'année 1937, grâce à l'aide des milieux financiers soucieux d'apporter leur soutien à une formation fondamentalement anticommuniste, les militants d'extrême droite occupèrent une place de plus en plus grande au sein du PPF, au point que des historiens le présentent aujourd'hui comme un parti fasciste. Bien que le PPF n'ait jamais revendiqué cette étiquette, il est incontestable qu'il a repris à son compte des symboles et des pratiques typiques du fascisme. Un véritable culte entourait Doriot, attesté par l'exhibition constante de ses portraits, les citations permanentes de ses propos. On peut aussi voir des similitudes avec les organisations fascistes dans des symboles comme le salut, l'insigne, le drapeau, une croix celtique sur fond bleu-blanc-rouge, solennellement remis au groupe militant. Il faut toutefois rappeler que cette symbolique fasciste n'eut pas de réel impact sur l'électorat. Incapable de trouver sa place au sein des forces de droite, le PPF a sombré dès 1938 dans la marginalité. Partisan radical de la collaboration avec l'Allemagne nazie, Doriot finit par rejoindre les armées hitlériennes en combattant sous l'uniforme allemand sur le front de l'Est. Il mourut en Allemagne le 22 février 1945 lors du mitraillage de sa voiture. Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Toscane Vudès, Jeanne Coppel, Gillian Tilly, Mayouen Guizhou, Sabine Dahuron de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, nous a aidé à préparer cette émission. Émission à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.